Iman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. La société sucrière du Mosso n'a pas les prérogatives de fixer elle-même le prix au kilogramme de sucre. Le président de la Confédération des syndicats du Burundi rappelle que cette latitude revient au ministère du Commerce qui lui-même s'en tient aux recommandations du Conseil des ministres, vous l'entendrez. Vous aurez aussi l'analyse du président du Parrainat sur la récente mesure d'augmentation du prix du sucre par la Sosumo. Zenon Nimubona trouve que les conditions d'acquisition des devises devraient aussi influer sur la fixation de ces prix. Des agriculteurs de la colline Guihamagara en commune Itaba dans la province de Gitega se plaignent d'être payés tardivement après la vente du maïs à l'Agence nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire. Un reportage que vous allez suivre. Voilà pour les grands titres. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La plateforme intégrale de la société civile Pisque Burundi se dit inquiète de la décision de la Sosumo de revoir à la hausse le prix par kilo de sucre. Le président de cette plateforme déplore qu'elle n'ait pas pris en compte le pouvoir d'achat des Burundais. Jean-Marie Ndouimana demande aux instances habilitées de collaborer avec la Sosumo pour fixer des prix abordables. Au sein de la Pisque Burundi, nous sommes inquiets et malheureux car la Sosumo a fixé le nouveau prix discriminant et exorbitant. Pourquoi ? Parce que la hausse du prix du sucre est passée du simple au double. Non seulement sans tenir compte au pouvoir d'achat du peuple burundi, mais aussi sans se baser sur le revenu moyen du peuple qui lui permet de faire accès à ce produit qui est le sucre. C'est dommage, car le sucre est le produit qui est parmi les vivres de première nécessité. Donc, la dite hausse va entraîner automatiquement, bientôt, la hausse des prix et d'autres produits. Au sein de la Pisque Burundi, alors, nous demandons la Sosumo de redresser la situation en diminuant le prix du sucre. Aussi, nous demandons et nous recommandons les institutions habilitées en matière de conjuguer les efforts ensemble, de travailler pour l'intérêt du peuple burundais. Bien sûr, en plein air des mesures qui vont soulager le peuple burundais, comme est la volonté de son Excellence, le président de la République. Le président du parti Parrainat trouve que le kilogramme de sucre Sosumo devrait coûter moins cher que le prix pratiqué par les privés en raison des conditions dans lesquelles ils obtiennent le devise par rapport à cette société étatique qui s'approvisionne à la Banque centrale. Suivez les explications de Zenon Nimubona. Il n'y a pas eu de libéralisation des prix du sucre. La Sosumo affirme et s'ajuste au prix du sucre pratiqué par les commerçants qui l'importent de l'extérieur, autrement dit qui font intervenir le coût du dollar. Sur le marché du dollar, la Sosumo et les commerçants privés sont censés s'approvisionner le premier dans les banques et le deuxième au marché parallèle où le dollar passe du simple à plus du double, c'est-à-dire de plus ou moins 3000 francs à 7000 francs. Toute proportion gardée, le prix du sucre Sosumo devrait coûter moins de la moitié du sucre importé, c'est-à-dire entre 4000 et 5000 francs. Zenon Nimubona. De son côté, le président de la Confédération des syndicats du Burundi dénonce en vice de procédure et ne comprend pas comment c'est la société sucrière du Mosso qui elle-même intervient dans la fixation des prix du sucre. Dans une interview accordée à la radio-télévision Isanganiro ce jeudi, Célestin Savdiman a estimé que ce pouvoir revient au ministère du Commerce qui se base lui-même sur les orientations du Conseil des ministres. Il demande au gouvernement de revoir cette mesure. C'est au moment où, la semaine dernière, l'Associmo a revu à la hausse le prix au kilogramme du sucre, passant de 3 300 à 8 000 francs burundais. Suivez le président de la COSIBU, Célestin Savdiman. Nous avons été étonnés par cette décision du directeur général de la Sosumo et du président du conseil d'administration. Est-ce que réellement ils ont droit, les deux personnalités ont droit de monter les prix comme bon leur semble ? Nous ne pensons pas. Et la Sosumo, je pense que c'est une entreprise stratégique, prioritaire pour l'État du Burundi. Alors la fixation des prix de ce produit fabriqué par cette entreprise doit être du ressort d'une autorité gouvernementale. Je me rappelle que le prix était fixé par ordonnance du ministre du Commerce dans ses attributions. Et il informait assurément au Conseil des ministres. Au vu de la correspondance, apparemment cette étape n'a pas été faite. Donc nous demandons que le gouvernement, à travers ses instances habilitées, puisse revoir la mesure du directeur général et du président du conseil d'administration de l'association. Puisque d'abord, c'est une hausse inexpliquée, plus de 230%, 240%, on passe de 3 500 à 8 000, et puis les consommateurs, les usagers n'en peuvent plus. Déjà, dès que le kilo était à 3 500, beaucoup étaient dans l'incapacité d'acheter ce produit, qui entre presque dans la vie quotidienne de chaque ménage, dans la fabrication de pas mal de produits comme la bière, comme certains jus, comme le pain. Donc c'est une mesure que nous demandons à ce que le gouvernement puisse revoir le plus rapidement possible le fisc pour soulager, disons, la peine économique que les populations, que les consommateurs vont subir. Vous défendez les droits des travailleurs du Burundi. Est-ce que ce prix affecte la vie des travailleurs du Burundi? Il affecte toute la population. Vous savez, les salaires sont très bas. Maintenant, vous savez que les travailleurs, il est difficile de nouer les deux bouts du mot. Difficile de se payer le loyer, difficile de se vêtir, difficile de se déplacer en payant les tickets de transport pour aller au travail. Je ne parle pas du quotidien où on doit manger. Voilà alors un autre problème qui s'ajoute, la hausse de ce prix du sucre. Et pour faire face à la flambée des prix en général, ce président de la Confédération des syndicats du Burundi propose au gouvernement d'appliquer les mesures visant l'atténuation des prix, notamment l'abandon des taxes, la subvention du gouvernement sur les produits de première nécessité. Suivez encore une fois Célestin Saviman. Est-il possible de rehausser les salaires, à les indexer au coût de la vie? C'est une chose assez complexe. Mais en attendant cela, nous avons déjà fait plusieurs correspondances, déclarations, mémorandums où nous proposions au gouvernement de se pencher sur les prix des produits de première nécessité. Notamment, il y a des mesures en cas pareil où les prix sont presque hors contrôle. Le gouvernement est devant avec ses partenaires pour prendre des mesures comme la détaxation de certains produits de base, pour que les prix puissent diminuer. La recherche des sources d'approvisionnement, notamment ça peut se faire au niveau des médicaments. Les prix des médicaments ici dans les pharmacies sont hors contrôle. L'abandon de certaines taxes et redevances. On entend souvent au niveau du carburant, de la structure des prix du carburant, il y a certaines taxes et redevances que le gouvernement abandonne, le fait que le prix soit abordable. Mais comme vous voyez, dès qu'il y a pénurie, les trafiquants et autres en profitent, puisque dès qu'un produit est rare, ce n'est que le prix de l'offre et de la demande, où un litre peut aller même jusqu'à 15 000 au marché parallèle. Alors comme maintenant, le gouvernement a tenté de disponibiliser de l'essence, il faut le faire pour les autres produits. Donc prendre des mesures. Mais ce n'est pas seul le gouvernement, il va ensemble avec le secteur privé. Il y a des consultations avec des partenaires dans les organisations syndicales pour voir quoi faire pour que le coût de la vie soit quand même allégé. C'était Célestin Savzimana, président de la Confédération des syndicats du Burundi, Kosibu. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. L'inexistence des lois communes régissant les polices des pays de l'Afrique de l'Est est un défi majeur aux activités de la population œuvrant dans l'un ou l'autre pays de cette communauté. C'est l'analyse de l'honorable Gideon Gatpan, représentant du groupe parlementaire de l'East African Legislative Assembly chargé des affaires sécuritaires dans la région. C'était lors d'une rencontre avec les cadres de différents départements de la police du Burundi ce mercredi. Honorable Momamo Karegwa, présidente du groupe parlementaire burundais à Leyala, indique que ce défi sera communiqué à l'Assemblée nationale pour intervention. Lors de cette rencontre, honorable Gideon Gatpan salue le pas franchi par le Burundi dans la lutte contre les crimes transfrontaliers, barrières à l'aisance des activités de développement chez les ressortissants des pays membres de la communauté est-africaine, bafouant la devise de l'intégration. Il dénonce néanmoins l'absence des lois communes régissant la police des pays de la communauté est-africaine comme défi majeur. Le Burundi est l'un des pays qui ont beau pas dans la lutte contre les crimes transfrontaliers dans la région. Notre intégration doit servir d'aisance dans les activités des populations situation ordinaire. Or, la vie de ces dernières est basée sur différents mouvements dans différents pays de la communauté de l'Est africaine. Il y a besoin de les faciliter dans ces mouvements, qu'ils aient des documents légaux ou pas. C'est la collaboration entre les pays qui fera cette liberté, mais le défi est l'absence des lois communes régissant la police des pays membres de cette communauté. Un défi à présenter à l'Assemblée nationale pour trouver l'issue, indique l'honorable Momamo Karegwa, président du groupe parlementaire burundais à l'East African Legislative Assembly. On va parler des avis et considérations du Burundi dans un rapport qui sera présenté à l'Assemblée de la Communauté de l'Afrique de l'Est. À partir de ce rapport, l'on pourra analyser notamment comment mettre en place une loi commune portant lutte contre la criminalité dans la région. C'est cette dernière qui manque, sinon chaque pays membre en a la sienne. Avec cette loi, la police pourra avoir des facilités d'agir collégialement contre toute forme de crime dans la région. Ce député apprécie les initiatives en place, notamment la pièce dite Ujirani Mwema, qui couvre actuellement une période de validité de 3 mois, alors qu'elle était de 5 jours. Cette pièce est en outre utilisée au niveau des frontières burundo-congolaises, ajoute-t-elle. Des agriculteurs de la colline Guihamagara, en commune Itaba, dans la province de Gitega, se plaignent d'être payés tardivement après la vente du maïs à l'Agence nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire. Ils regrettent qu'avec un retard de 2 mois, ils ne parviennent pas à honorer convenablement leurs obligations familiales. Ils disent qu'ils préféreraient vendre à peu d'argent à condition d'être payés immédiatement. Le directeur général de la NADGESA rassure avoir déjà pris en main cette question. Un reportage d'Ornella Mucho. Certains agriculteurs de la colline Murambi, en commune et province Murambia, de la coopérative Ikigori, se réjouissent qu'ils ont été payés à temps après la vente de leur récolte de 5 tonnes de maïs à l'Agence nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire en Adjessa, en sigle. Le directeur provincial en charge de l'agriculture dans la province Murambia, Ali Kassim, indique qu'elle est une des raisons et que ses producteurs ont vendu leur récolte à temps. La situation est différente de celle de la colline Guihamagara, en commune Itaba, dans la province Gitega, d'où certains producteurs se plaignent des retards de paiement jusqu'à plus de 2 mois après la vente de leur récolte à la NADGESA. Il faut qu'on nous paye à temps parce qu'on nous donne un long délai et là, nous sommes bloqués. On ne peut plus penser à d'autres projets de développement par manque d'argent. Quand on attend 2 à 3 mois le paiement, vous comprenez qu'il est difficile de remplir différentes obligations familiales. Puisque la NADGESA a été mise en place pour l'intérêt des agriculteurs, il faudrait alors trouver des solutions liées au paiement tardif. Des conséquences ne manquent pas. Par exemple, tu peux vendre tout en espérant qu'avec le paiement, l'on pourrait acheter une terre, mais avec ce retard, l'on se retrouve bloqué. Et c'est encore plus difficile pour les préparatifs de la rentrée scolaire. Nous sommes obligés à chercher d'autres moyens. Ils reconnaissent toutefois que la NADGESA leur paye un montant supérieur à celui des commerçants, mais que malheureusement, ils préfèrent des fois vendre leurs produits aux commerçants. Maintenant, les commerçants achètent la collecte du maïs presque au prix de la NADGESA. Ils peuvent acheter à 1600 francs burundais par kilogramme ou à 1500 francs burundais et c'est tolérable parce que là, on paie cash. C'est très différent de l'argent que tu ne possèdes pas et que tu dois réclamer. Le gouverneur de la province Gitega, Venant Manirambona, indique qu'avec cette situation, ils se mettent ensemble avec tous les intervenants dans le secteur agricole pour proposer des solutions adéquates. Vous savez que la campagne de collecte de maïs se fait en synergie. L'administration n'est pas épargnée. Et d'ailleurs, c'est elle qui doit prendre le devant en collaboration avec les services techniques du ministère de l'Agriculture et la NADGESA. Donc, il y a une très bonne collaboration. Mais nous souhaiterions quand même qu'au niveau de la NAGESA, il y ait des préparatifs bien avant pour d'abord parler avec ceux qui suivent régulièrement la production, combien nous espérons avoir et prévoir de l'argent conséquemment afin que ces petits retards qui ont été enregistrés ne soient plus enregistrés. Le directeur général de la NAGESA, Olivier Bitigimana, promet que différentes précautions seront prises pour l'intérêt des producteurs de maïs afin de trouver solution à ce problème de paiement tardif. Parle, rassure-moi. La chronique Parle, rassure-moi de ce mercredi est centrée sur des promesses irréalisables, surtout en période électorale. Les habitants de la zone Rushubi, en commune Issalé de la province de Bujumbura, trouvent que ce genre de discours ne vise que des intérêts des particuliers, ce qui peut être une source de conflit dans les communautés. Hacher Nioni Ziguiye, expert en leadership, appelle les leaders à privilégier l'intérêt général. Mireille Kanyang. Ces habitants de la zone Rushubi, en commune Issalé, affirment avoir été témoins oculaires des discours des personnalités qui ne tiennent pas leurs promesses. Ceci est réaffirmé par l'autorité communale qui demande à la population de rester sereine et aux politiques de se garder des promesses irréalisables. Il y a certaines autorités qui promettent des choses irréalisables dans la société. Surtout, on a l'impression d'entendre cela, surtout pendant les périodes des campagnes électorales, où demandons à notre population de rester serein, rester aux travaux de développement et savoir que les élections, ce sont des choses qui viennent, qui passent, mais que la population reste ensemble. En premier lieu, on demanderait à ce que il y ait changement de mentalité, à que ces politiciens ne viennent plus mentir à notre population et qu'ils amènent des projets de société qui vont dans la ligne droite tracée par notre chef d'État. De ce genre de promesses passe par des raccourcis, constate Hacher Nioni Ziguiye, expert en leadership. La raison principale qui fait que les gens font des promesses irréalisables, c'est l'envie d'atteindre un objectif par un raccourci. Si nous prenons le cas des élections, par exemple, pour gagner la confiance, le vote des électeurs, il faut être quelqu'un de crédible, il faut être quelqu'un qui a déjà prouvé que vous prenez à cœur les intérêts de cet électorat. Il faut avoir prouvé que si on vous fait confiance, vous serez utile. Alors, les gens, au lieu de travailler sur ça et de prouver à la population qu'ils sont dignes de confiance afin de gagner les votes, ils cherchent à gagner les votes par un raccourci. Dans notre histoire, on a souvent taxé d'ennemis de gens pareils. Les gens qui ne voient pas les choses de la même façon que nous, nous avons tendance à les taxer d'ennemis. Et quand vous apportez dedans la notion d'ennemi, là, ça peut vraiment dégénérer. Cet expert appelle les leaders à mettre en avant l'intérêt général de la population au lieu de privilégier des intérêts particuliers. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.